kati bonbon sa. Oui maman. La kai voye bonjour pour vous. Merci maman. Oui, oui, oui, oui. C'est parti bonbon ça. Oui maman. La kai voye bonjour pour vous. Merci maman. Mais café m'te pote pour vous. Non merci maman. Mais manger moi pote pour vous. Moi pas manger aussi. C'est manger au viso. Moi ta manger. C'est parti bonbon ça. Oui maman. La caille, voyez, bonjour pour vous. Merci maman. Oui, oui, oui, oui. C'est parti bonbon ça. Oui maman. La caille, voyez, bonjour pour vous. Merci maman. Mais café m'te pote pour vous. Non merci maman. Mais manger moi pote pour vous. Moi pas manger aussi. C'est manger au viso. Moi t'as mangé. Dis-moi non, dis chéri. Si c'est l'école ou aller, ou apprendre faire l'amour. L'homme m'y ou dit bon, sans dit m'plaît mourir. L'homme m'y ou baiser, sans dit m'en paradis. Dis-moi non, dis chéri. Si c'est l'école ou aller, ou apprendre faire l'amour. L'homme m'y ou dit bon, sans dit m'plaît mourir. L'homme m'y ou baiser, sans dit m'en paradis. Nous t'y bois, t'y bois, toi t'y bois, mami. L'homme m'y ou petit bois, le petit bois, toi petit bois. L'homme m'y ou petit bois, le petit bois, toi petit bois, chéri. L'homme m'y ou petit bois, le petit bois, toi petit bois. L'homme m'y ou petit bois, le petit bois, toi petit bois, mami. L'homme m'y ou petit bois, le petit bois, toi petit bois. Thank you. Sentiment pur audacieux.